Littérature, théâtre, danse, cinéma, exposition, musique, performance, graphisme, architecture, création sonore, philosophie, linguistique, écologie, science. On parle de toutes les cultures, de rien à voir quoique, sur Campus FM 94 FM. Bonjour, bonjour et bienvenue dans Rien à voir quoique sur Campus FM ou en replay, où vous voulez, quand vous voulez. Une émission très spéciale aujourd'hui parce que nous sommes en plateau, à l'extérieur, pendant une heure, sur le campus de l'université Paul Sabatier, pour une émission très spéciale autour du festival du printemps étudiant qui vient de démarrer et qui se déroule à Toulouse jusqu'au 27 avril et il y a du soleil. Manon Messina et Anthony Piana, tous deux en service civique à Campus FM, sont à mes côtés tout au long de l'émission. Vous les connaissez, en tout cas leur voix, ils présentent le son des campus, le programme Bonjour. Des campus. Bonjour. Le programme de Campus FM pour les étudiants, sur les étudiants, leurs projets et leurs associations. Tout à fait. François Berchenko est à la réalisation technique de l'émission. Un grand merci François pour la préparation de ce plateau. En extérieur, le concept du festival, je cite, né il y a 21 ans, déjà portait le nom Le Printemps des étudiants. En 2012, son sort est remis entre les mains d'une nouvelle association, l'AJT, qui pour marquer ce changement a légèrement transformé son nom tout en conservant l'audace et l'ambition de ce festival. C'est beau. Au programme de ce nouveau printemps étudiant, des journées sur les campus, en ce moment de 11h à 16h, on a commencé en trombe ce midi avec un concert punk de Little Havana. Ils reviendront tout à l'heure pour nous parler en plateau. En soirée, il y a du cinéma, des projections et des rencontres. Il y a une soirée théâtre en partenariat avec le festival Entre en scène et trois soirées concerts d'exposition. Pour en parler avec moi, je reçois Antoine Niketty. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Et Fabrice Moll. Bonsoir Fabrice. Bonjour, bonjour Fabrice. Bonjour. Le printemps étudiant, c'est aussi un village associatif. Donc ça, c'est demain avec de nombreuses associations étudiantes qui s'engagent sur les alternatives de demain, le développement durable, l'économie solidaire et sociale. Toutes les manifestations sont gratuites, à l'exception des concerts. Et le festival est ouvert à tous, pas que les étudiants. Fabrice Moll, bonjour, vous avez déjà dit bonjour. Oui, bonjour. Antoine, bonjour. Alors vous êtes l'un des organisateurs, je dois mettre mes phrases au pluriel, donc vous faites partie des organes d'organisation du Festival du Printemps étudiant. Vous êtes tous les deux étudiants. Alors moi je ne suis plus étudiant, je Antoine, fais partie de l'organisation depuis maintenant 5 ans. Donc, depuis voilà, que la JT la deuxième année en fait, ouais, je suis arrivé la première année je n'étais pas là quand ils ont repris le festival, je suis arrivé la seconde année et je n'ai plus quitté le festival depuis. Même si je ne suis plus étudiant, je continue à vouloir mettre en avant la culture sur les universités et à faire perdurer les choses. De quoi? Je faisais des études de langue, mais j'ai pas terminé mes diplômes, mais j'ai continué dans la culture de toute façon. Ça vous laisse du temps pour préparer le printemps? Ça me laisse du temps, ouais, de moins en moins. Je travaille quand même à côté, donc j'essaye de transmettre aux nouveaux étudiants qui rentrent dans l'assaut, la façon d'organiser le festival et faire la passation, quoi, que le festival perdure et que l'équipe se renouvelle. Fabrice Moll, vous êtes étudiant ? Alors ouais, moi je suis étudiant en information communication, en master, mais j'ai mis en pause mes études pendant un an. Je fais une année de césure durant laquelle je suis en service civique en fait, dans une autre association qui s'appelle AnimaFac, qui est d'ailleurs présente aujourd'hui avec un petit atelier. Le festival a 21 ans, l'association Les JT l'organise depuis 2013, c'était la première édition. On a repris en 2012, mais c'était pas dans l'année scolaire. Quels sont les changements les plus marquants depuis que les JT a repris l'organe? Les changements les plus marquants, je sais. S'il y en a. Ouais, peut-être. Ouais, bah, disons qu'on essaye de faire beaucoup de choses sur les universités entre midi et deux et de mettre de plus en plus la culture étudiante vraiment en avant. De ne pas faire que des soirées-concerts comme beaucoup de festivals font, c'est aussi vraiment mettre en avant entre midi et deux ou sur d'autres soirées, comme par exemple, tu l'as cité, le Village Asso ou les soirées théâtre, ce genre de choses. Vraiment la culture étudiante au cœur des choses quoi, et au cœur de ce qu'on veut faire. Le festival il dure 10 jours, hein, du 28 mars au 7 avril, c'est beaucoup. Pourquoi le choix d'une telle durée? C'est vrai que cette année on a voulu vraiment, on avait une équipe vraiment motivée en fait à la sortie de la 20e édition l'année dernière. Et on s'est vraiment beaucoup motivé durant toute l'année là. Et on est passé d'un festival de 5 jours l'année dernière à 10 jours cette année. Donc c'est cool, c'est beaucoup d'organisation, mais ça nous fait vraiment plaisir. Et puis en plus, aujourd'hui il fait beau pour commencer, donc c'est super. Il y avait aussi une question logistique, étant donné qu'on est sur les trois principales universités de Toulouse. Il y a une année, même deux éditions, où on a fait un simultané sur les universités. Et c'est pas forcément évident, ça demande beaucoup, beaucoup de bénévoles, beaucoup d'organisation, et être partout en même temps. Et puis en même temps, pour nous et pour le public, ça permet aussi, quand on n'est pas en simultané, de pouvoir profiter de tout le festival et pas seulement d'une partie. Donc c'est pour ça qu'on a aussi allongé la durée, c'est pour pouvoir être sur plusieurs universités en nombre de jours équivalent, sur deux semaines. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? C'est le théâtre qui va démarrer sur notre scène, je pense. Il y a beaucoup d'adhérents à la JT ? Pardon ? Il y a beaucoup d'adhérents à la JT ? De membres ? On marche pas vraiment par adhésion, mais on est 21 bénévoles, ouais. Enfin, 21 organisateurs, surtout. Ouais, c'est ça, en fait. Voilà. Et là, sur le festival, on est une cinquantaine de bénévoles en tout, en comptant l'organisation, plus les bénévoles qui viennent nous filer la patte sur le festival. C'est des étudiants qui viennent de tous les cursus ? C'est ça, ouais. On en a de toutes les universités et même d'écoles, d'ailleurs. Le but c'est vraiment d'avoir du monde d'un peu partout à Toulouse, puisqu'on a vocation à être interuniversitaire. Donc pour nous c'est quand même plus pratique d'avoir des gens qui sont au Capitole, à Jean Jaurès et à Paul Sabatier. Alors le festival Le Printemps étudiant a pour mission de rendre accessible la culture à tous, aux étudiants, et de fédérer tous les acteurs de la culture et le public aussi autour de la culture. J'ai dit beaucoup culture, et justement ma question c'est, alors c'est quoi pour vous la culture ? Oh, c'est une bien belle question. Ouais, c'est fait exprès. La culture, moi je dirais que c'est un petit peu toute création. Hop, pardon. Je dirais que c'est un peu toutes les créations artistiques, et même pas que d'ailleurs. On demandait tout à l'heure la différence qu'il y avait par rapport au printemps des étudiants d'avant. C'est que maintenant aussi on fait des ateliers où on fait intervenir des associations étudiantes. Donc là finalement c'est même plus vraiment des activités culturelles. C'est peut-être que l'écologie, l'astrologie, l'astronomie, plutôt que l'astrologie. Ouais, en gros c'est mettre en avant toutes les associations étudiantes qui existent, qui se bougent pour faire des choses, que ce soit culturelles ou autres. Après c'est pareil, dans la science il y a la culture scientifique par exemple. Voilà un peu la culture, c'est tout ce qui suscite l'intérêt, l'émotion un peu pour nous et les jeunes les étudiants qui s'investissent, qui prennent du temps pour faire des choses, pour proposer des choses et pour ouvrir. Est-ce que c'est la fête aussi, la culture ? Bien sûr, la fête fait partie de la culture, ouais. Mais c'est pas que la fête, mais la fête a une grosse place dans la culture. Merci messieurs, on va faire une très courte pause musicale dans un instant pour parler de la programmation de cette 21e édition. On écoute un morceau de Scratch Bandy Crew, le morceau s'appelle Need. On rappelle un jour de printemps. C'est beau comme ça. Drop the jump. Drop the De Titus et le dépositaire. Oh putain, c'est en verre. On parle de toutes les cultures dans Rien à voir quoi que. Ils sont affreux ces costumes. Sur Campus FM 94 FM. Alors dans Rien à voir quoi que, on vient d'écouter Need par Scratch Bandy Crew. Eux, ils sont en concert vendredi le 30 mars à la salle Le Cap dans le cadre du festival du printemps étudiant. Organisé par l'association L'Ingité, Fabrice Moll, Anthony, vous, Antoine. Pour cette 21e édition, le programme est chargé et varié. Alors, quand même, précisez un petit peu que vous avez été contraint de déplacer une partie des événements prévus initialement sur l'université Jean Jaurès en raison des récents événements liés à la grève. À quelques jours du festival, ça a été compliqué de trouver des nouveaux lieux. Antoine. Compliqué, oui. Après, heureusement qu'on a l'habitude de travailler avec beaucoup de partenaires universitaires qui nous ont permis de retomber sur nos pattes, disons, assez rapidement, heureusement. Après, c'est compliqué toujours de déplacer parce qu'il y a toute une communication autour de tout notre programme et de nos événements. Voilà, après, il y a des frais engagés aussi. Et donc, bon, et des fois, le déplacement change notre budget. Donc après, c'est à nous de voilà, on jauge si c'est faisable ou pas. Donc, bon, on a quand même réussi là à déplacer la totalité de ce qu'on avait prévu à l'université Jean Jaurès. Ouais. Et justement, par rapport aux frais, les concerts étaient prévus à 1 euro et ils sont passés à 3, c'est ça ? Alors, en fait, Fabrice Moll. C'était en fait une entrée à prix libre. Par contre, effectivement, il y avait 1 euro d'adhésion à l'association obligatoire pour entrer sur le site. C'est des questions juridiques, tout simplement. Là, ouais, on est passé donc à la salle Le Cap, puisque donc à Paul Sabatier, puisqu'on entretient en fait de très bonnes relations avec le pôle culture qui gère cette salle. Et donc effectivement il y a eu quand même quelques contraintes financières avec, ce qui fait qu'on passe l'entrée à 3 euros prix fixe. Voilà, on pense que c'est pas non plus une augmentation trop dure. On a démesuré, ouais. Et bon voilà, nous clairement ça nous aide. Vous avez pas trop le choix, voilà. Finalement. Ouais. Non, ouais, pas vraiment. Ouais, bah, après on avait le choix entre annuler ou maintenir et voilà, et augmenter de 2 euros l'entrée. Donc bon, on a dit je pense que 2 euros, voilà, on essaye toujours de faire des concerts au prix les plus bas pour que le plus de monde puisse venir. Donc bon, je pense que 3 euros, c'est pas, voilà, c'est pas si mal que ça au portefeuille. Et nous, on préférait faire ça pour pouvoir maintenir quand même ces concerts et faire la totalité de notre festival que d'en supprimer une partie. Alors le jour, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, vous proposez des journées sur les campus. Donc ça, c'est de 11h à 16h. Il y a une buvette, des artistes étudiants présents sur scène, des ateliers, des expos, des concerts. Ouais. Autour d'un espace chill avec des, je le décris, là, des chaises longues et des coussins. Hein, tout cela en plein air. Qu'est-ce qui va se passer pendant de 11h à 16h? Alors ben aujourd'hui, du coup, on a eu en premier lieu un groupe de punk rock. On a du théâtre. Ensuite, on a un DJ qui vient mixer pour finir la journée. Demain, on aura deux autres groupes de musique et du théâtre aussi. Après, on a beaucoup de choses suivant les universités, suivant les propositions étudiantes qui reviennent vers nous. Donc le 3 et 4 avril, c'est à Capitole. Ouais, à Capitole, tout à fait. Ouais. Là, on aura, on a un quintet de cuivre, on a un harpiste, on a une chorale rock, on a de la danse swing, on a du théâtre aussi, on a d'autres groupes de musique. Ouais, on a aussi le All Elements Crew qui sont des danseurs qu'on connaît bien maintenant, puisqu'on les a déjà fait passer l'année dernière, on les a refait passer en début d'année dans le cadre des 20 ans de la salle Le Cap, et qui seront aussi présents justement au Capitole. Eux, il y aura peut-être même un petit peu de graff aussi avec, mais ça reste encore à voir. Ils sont tous des associations étudiantes. Ouais, tout à fait, ouais. En fait, en début d'année, quand on démarre notre programmation et qu'on met en place les événements qu'on a envie de faire, on fait un appel à projet qu'on diffuse dans un maximum dans toutes les universités, les foyers, auprès de nos réseaux étudiants, enfin tout là où on peut diffuser notre message. Et en fonction des retours qu'on a et des projets qui reviennent vers nous et qui sont intéressés pour participer à notre festival, ben, on crée une programmation, on essaye de faire quelque chose d'assez logique et d'assez intéressant, voilà, pour tous. Et du coup, c'est pour ça que ça donne quand même beaucoup, une pluridisciplinarité, je dirais. Voilà. Éclecticité. Un éclectisme tout à fait au niveau des propositions artistiques. Ouais. C'est ça. Bah, là, finalement, cette année, on se retrouve avec, donc, en termes d'artistes étudiants, on a de la musique, on a du théâtre, on a du cirque, on a de la danse. Après, donc, on a des expositions, on a de la peinture, de la photo et du dessin, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis voilà, et ensuite on a donc les associations étudiantes, où là on a de l'observation du soleil, on a du troll ball, donc du jeu de rôle grandeur nature. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un atelier sur l'engagement étudiant et le service civique. Enfin voilà, on a vraiment, on essaie vraiment d'avoir la prog la plus variée possible. Le 29 mars, de 16h à 18h30, il y a un village associatif. Donc là, ce sont des associations étudiantes qui s'engagent sur les alternatives de demain, ouais, développement durable, ouais, économie sociale et solidaire. C'était important pour vous d'aborder ce thème-là ? Alors ben ça, cette année, ça a été un thème qui est ressorti, qui était important pour plusieurs personnes au sein de l'association. Tous les ans, il y a des nouveaux étudiants qui rentrent dans l'asso, il y a toujours des nouveaux étudiants qui arrivent avec de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouveaux combats qu'ils soutiennent. Donc cette année, ça tenait à cœur à plusieurs personnes de parler justement de l'écologie, des alternatives de demain. Et du coup, il a été décidé de faire un village associatif avec une diffusion d'un film documentaire en suivant. Et donc ouais, ça faisait c'était un parti pris cette année de faire quelque chose d'axer un peu sur l'écologie aussi. Ouais. Il y aura aussi Campus avec l'émission La Révolution douce. Ouais, c'est tout ça. À fait, ouais. C'est ça. Ouais. Mais donc voilà, ouais, ça va se présenter. Voilà, ça sera quelques stands, vraiment à côté de là où on est actuellement, puisque c'est le bâtiment administratif qui est à l'entrée de la fac donc de Paul Sabatier. Et donc voilà, jusqu'à 18h30 le village assaut, mais ensuite il y aura donc la projection du film documentaire Enquête de sens, qui a été réalisé par deux personnes qui ont fait un petit peu justement le tour du monde à la recherche des fameuses alternatives pour demain. Nathalie Coste et Marc de la Ménardière, voilà, il est sorti en 2015. Exactement. Eux-mêmes. Exactement. Il faut réserver là en revanche. Alors oui, il y a un formulaire en ligne à remplir, c'est tout bête. C'est juste parce que nous on a un nombre de places limité en fait, puisque la diffusion du film documentaire a lieu dans l'auditorium Marthe Conda, en fait, qui est justement dans le bâtiment administratif. Donc, okay. Voilà. Après, ça reste gratuit. C'est juste parce que la jauge... Voilà, c'est une question de jauge et c'est pour estimer le nombre de personnes. Exactement. Après, pour les personnes qui n'auraient pas encore réservé, il y aura un stand pendant le village associatif pour avoir une place aussi. Donc ça, c'est le 29 à 19h. C'est ça. Enquête de sens a été largement récompensée. On écoute un extrait de la bande-annonce. Quand on est petit, on se dit que plus tard, on ira explorer le monde. Et puis en grandissant, on oublie ses rêves pour tomber dans la routine. The world as we see it is an expression of the collective beliefs. When we look at the world today in crisis and failing, then it says if you want to evolve and survive this crisis, we have to change the belief systems. The reduction of our identities to being consumers is part of the problem. La science du 20e siècle a redécouvert ce que le bouddhisme nous a appris depuis 2500 ans, c'est-à-dire les concepts d'interdépendance. Toutes les choses sont reliées ensemble. Enquête de sens, c'est un voyage initiatique à la rencontre de philosophes, de paysans, de sages, de professeurs et d'agriculteurs à travers le monde pour questionner la marche du monde. Alors si, chers auditeurs, si vous ne comprenez pas l'anglais, allez voir le film. Il y aura des sous-titres. Enquête de sens, c'est une grande philosophie. Ouais, tout à fait, ouais, enquête de sens, ouais. Ben, c'est vrai que cette question écologique aujourd'hui, elle est quand même plus que mise sur la table, bien comme il faut, parce que on arrive un peu au bout de la façon dont on peut user la terre. Donc, ouais, effectivement, c'est retrouver du sens dans la façon de consommer, de vivre, de voilà, tout ça. Donc, ouais, effectivement. Il y aura une discussion ensuite, après cette projection, qui est animée par l'association Say It Aloud Toulouse. C'est ça, ouais. Alors Say It Aloud, c'est une association du Capitole qui justement sont là pour en fait apprendre l'éloquence aux personnes qui le souhaitent et animer justement des débats, des conférences, notamment en anglais, d'où le nom de l'association. Bon, là pour le coup ça sera en français. Et donc voilà, en fait, après avoir rencontré toutes ces associations, après avoir vu donc ce documentaire, Bah, on s'est dit que ça serait cool de donner l'occasion aux participants d'en discuter tout simplement. Voilà, pourquoi pas avoir un petit débat qui durera à peu près une heure. Et tout ça sera conclu par un buffet proposé par l'association L'Auberge de la Fin du Monde, qui est une association cette fois de Paul Sabatier. Et ça sera un buffet vegan et végétarien pour rester bien sûr dans le thème des alternatives. Le 3 avril, j'ai noté, donc ça c'est à Capitole, avec les Aires Solidaires, vous invitez le public à une rencontre débat cinéma pour s'interroger sur la thématique de la censure au cinéma, mais sa propre censure, hein, autour de questions telles que qu'est-ce qu'on se permet de voir, quand et avec qui, comment le public se positionne, qu'il soit dans un festival de cinéma ou en famille, devant sa télévision. C'était quoi l'idée de ce débat? Donc cette soirée, on l'a co-construite avec le Festival des Aires Solidaires, qui ressemble beaucoup au Printemps étudiant, qui est aussi un festival justement étudiant, et qui a lieu à peu près aux mêmes dates. Et donc à la base, on était parti en fait sur l'idée de faire un débat un petit peu sur les limites dans l'art. Et puis bon, bah au fil des discussions, ça s'est un petit peu, ça a décanté quoi. Et donc on en est arrivé à la censure contemporaine au cinéma en fait, d'où le titre qui est Cinéma, la censure contre-attaque, point d'interrogation, puisqu'on se pose la question justement. Et alors au final, ça va être la censure plutôt côté diffuseur en fait. Qu'est-ce qui se permet de diffuser ou pas au public. Donc là, il va y avoir des extraits de courts-métrages et de films qui ont été sélectionnés par l'association Les Vidéophages, qui est assez connue à Toulouse et qui font notamment tout ce qui est courts-métrages. Et il y aura des professionnels du milieu, notamment Franck Lubé, qui est programmateur de la Cinémathèque de Toulouse. Et voilà, donc tout ça va donner lieu un petit peu à ce qu'on a appelé une rencontre-débat finalement, qui durera donc 2 heures, de 17h à 19h, à l'amphithéâtre Reynaud de l'Université Capitole. Avec un petit buffet aussi. Et oui, aussi un petit buffet à la fin. On aime bien les buffets au festival. Et puis le 5 avril, alors en partenariat avec le Festival de théâtre Entre en scène, on les a reçus dans Rien à voir quoi que la semaine dernière, il y a une soirée spéciale à l'Université Jean Jaurès, à l'AMI. Être une femme à travers le monde. Alors là, c'est l'idée de montrer la diversité des approches des étudiants avec en confrontant un théâtre de création, celui de l'association Réplique, et puis le théâtre d'improvisation, celui de l'UDI Toulouse. Alors ça, c'est une idée de qui, Antoine? C'est une idée du pôle talent, c'est-à-dire ceux qui organisent tout ce qui se passe sur les universités avec les étudiants. Il y avait une volonté, on a rencontré beaucoup d'associations de théâtre sur Toulouse avec qui on a fait beaucoup de choses au fil des années. Là, récemment, on a fêté les 20 ans du CAP avec qui on a organisé un spectacle avec plusieurs associations, dont deux de théâtre. Et on avait cette volonté de confronter en fait les divers styles de théâtre qui existent en gros, quoi, parce que c'est vrai que généralement où tu vas voir des pièces comme tu dis, voilà, de création ou assez classique, ou alors tu vas voir de l'humour et de l'improvisation. Et nous, on trouvait intéressant justement de mélanger et de confronter les publics. Donc concrètement, il va y avoir vraiment une réponse LUDI à... Tout à fait, ouais. C'est ça, ouais. Donc l'association Réplique, ils vont faire leur pièce qui s'appelle Femmes Plurielles, pour donc commencer la soirée. Et ensuite, voilà, la LUDI va improviser en fait autour de cette pièce qui donc traite de la question de la femme à travers le monde. Peut-être pour préciser ce que disait Antoine, en fait il faut savoir que l'année dernière, pour la 20e édition, on avait fait une soirée danse avec pareil des artistes étudiants. Et donc là on s'est dit qu'on aimerait bien refaire ce genre de soirée, et puis vu qu'on avait déjà fait de la danse, bon, on s'est dit pourquoi pas du théâtre cette année. Et on avait également confronté différents styles de danse l'année dernière, du coup voilà, il y avait toujours cette idée de mélanger, de pas faire, enfin comment dire, sortir un peu des clivages de tel type de soirée ou tel type de soirée. C'est vraiment essayer de mélanger un peu tout et montrer toutes les approches qui existent. Et puis alors il y a trois concerts, je vous laisse les présenter. Ouais, tout à fait, ce vendredi, du coup, le 30 mars, les trois se passeront à la salle Le Cap, du coup sur l'université Paul Sabatier. Suite au changement, tous les concerts se passent dans cette salle. Heureusement qu'on a cette salle à disposition, et on est très heureux que l'université nous mette ce type de salle à disposition, ça nous permet de faire de super choses. Donc le 30 mars, ça sera une soirée hip-hop, électro, bien basse musique même, je dirais. Donc avec un groupe étudiant qui viendra ouvrir, qui s'appelle Nid Frelon. C'est leur premier concert. Donc ils sont excités, mais ils sont stressés aussi. Donc ça va bien se passer. On est content de les avoir avec nous. On aura aussi le groupe du coup Scratch Bandit Crew qu'on a pu écouter tout à l'heure. Et enfin on clôturera avec le groupe Zatrikaz qui fera la grosse basse musique pour finir tout ça. Donc c'est le 30 mars. Le 6 avril, donc on aura une soirée plutôt rock metal à tendance même électro. Donc on a un groupe toulousain qui s'appelle Krav Boka. Alors ils font du punk hip hop. Donc c'est hip hop bien revendicateur avec des grosses guitares qui sonnent bien fort. Ensuite, on aura le groupe Acme, groupe des années 90-2000 qui évolue dans le rock metal, qui existe toujours, qui est toujours en vie, qui, après beaucoup, beaucoup d'albums et de tournées, ils sont toujours là. Et du coup, on est très content de les accueillir, de les compter parmi nous. Donc voilà, ils seront là le vendredi 6. Et on finira avec un groupe espagnol qui fait de l'électro-rock. Alors c'est assez difficile à décrire, quoi. C'est, disons que c'est des DJ qui au début étaient qui mixaient à deux et qui finalement ont décidé de construire un groupe sur scène avec un batteur, un guitariste et parfois un chanteur. Et du coup, ça donne un mélange assez surprenant. C'est qui Gomad and Monster, ça s'appelle. Okay. Ils sont de Madrid. Peut-être pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu le même genre de Bloody Beetroots. Mais en live, quoi. Voilà, c'est vraiment du live. Donc il y a les DJ avec les musiciens sur scène et ça tape pendant une heure, voilà, bien fort. Et du coup, on clôturera le 7 avril, toujours à la salle Le Cap, avec une soirée reggae dub. Donc il y aura un groupe étudiant qui s'appelle People in the Woods, qui ouvriront, qui sont un groupe de reggae, qui sont d'ici et d'un peu partout d'ailleurs. Il y en a un peu de Toulouse et un peu d'ailleurs. Ils sont un peu in the woods. Ouais, ils sont un peu in the woods, voilà, in the country. Et du coup, après, on aura deux grands noms du dub français, même trois grands noms du dub français. Donc, il y aura Agbou, qui est originaire de Toulouse, si je dis pas de bêtises, et qui maintenant évolue ailleurs en France, mais qui vient à la ville natale pour faire sonner les basses. Et ensuite, on finira donc le festival par un duo assez exceptionnel. Ils font pas beaucoup de dates ensemble, donc c'est deux groupes qui normalement jouent séparément et là qui feront un versus. Donc c'est Tetra Hydroka et Wubi Dub, du coup deux groupes, donc ils seront quatre sur scène avec il y a un sax et un autre instrument je crois, et deux DJ et enfin, deux machinistes même d'ailleurs, et ça va envoyer du dub. Du dub, voire tendance un petit peu de drum and bass. Ouais, voilà, sur la programmation musicale, vous avez des organisateurs spécifiques? Alors ben moi je fais partie du pôle programmation des soirées concerts du coup. Donc en fait ouais on est 4, 5. On est 5, on était 5 à la base, et en fait c'est pareil, c'est le même principe que le reste du festival. C'est chacun aime ses styles de musique et influencé par pas mal de choses qu'il écoute, et on essaye de construire toujours aussi une programmation éclectique avec pas qu'un style de musique. On fait pas que des soirées électro ou pas que des soirées rock, voilà, on fait plusieurs types de soirées pour essayer de s'ouvrir à un maximum de public et pouvoir proposer un maximum de choses. Merci Antoine Michetti, merci Fabrice Moll. On écoute justement un morceau de Wubi Dub, le morceau s'appelle Reboot. avoir quoique, on vient d'écouter Reboot par Woobidub et nous sommes toujours en plateau à l'université Paul Sabatier en extérieur avec le soleil, quelques petits nuages pour une émission spéciale du Printemps étudiant, un festival de culture au sens très large concocté par l'association L'Agité à découvrir jusqu'au 7 avril. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Le groupe Little Havana nous a rejoint en plateau. Il est composé de Damien Gergeon, je ne dis pas de bêtises, je l'ai mal dit, au chant et à la guitare, Maxime Ferrané à la guitare, Félix Cantiran à la batterie et au chœur, et Yuki Santamaria au chant et à la basse. C'est du punk rock, vous avez joué il n'y a pas longtemps, il y a une heure. Manon, je te laisse la parole. Little Havana. Bonjour. Bonjour. Vous avez aimé votre passage en plein air là ? Ah, stylé. Oui, c'était bien sympa. C'était bien beau. C'était cool, on a respiré. On s'attendait à la pluie. Bon. C'est la première. C'est bien saigné aussi. C'est une des premières fois qu'on joue pas dans une cave en extérieur, deux jours, et devant des gens qui sont pas alcoolisés, donc c'est un peu plus de pression, mais je parle pas de bière. Ok. Mais il était midi quand même. Ouais. C'est vrai qu'il était midi. Bon, on va commencer par le début, Little Havana. Moi je vois Cuba, je vois le rhum, je vois pas du tout du punk qui arrache la tête, mais plus des vacances. Pourquoi ? Alors, aucun rapport. Alors là, on va laisser Damien répondre, parce que Damien, il sait pourquoi. Non, personne sait pourquoi, en vrai. Alors, laissez-moi trouver une explication. On aime le rhum Havana. Little Havana, à Cuba, ça symbolise un peu la liberté. Non, la vraie raison, c'est que... notre ancien batteur était passé devant un bar qui s'appelait Little Havana. Il avait dit « Ah, c'est cool, vu qu'on avait un nom pourri, on a changé. Voilà. » C'était quoi votre nom pourri ? C'était Prototype. C'est vrai, c'était quoi ? Prototype. Ah, j'étais pas là, moi, je connaissais pas à l'époque. Hein. C'est vraiment nul à chier, papa. Vraiment nul à chier. Vous avez bien fait de changer, ouais. Et du coup, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit de ce qu'on fait, mais c'est non stylé. Faut pas chercher le rapport avec le logo non plus. Non, le logo non plus, il n'y a aucun rapport. C'est bien, ça amène du soleil, c'est déjà un bon point. Ouais. Du coup, comment vous vous êtes rencontrés, tous les quatre ? Pour simplifier, Damien et Maxime sont amis d'enfance. Moi aussi, je suis un ami d'enfance de Maxime et j'ai rencontré Félix au lycée. Et du coup, on a fait un groupe entre bros, quoi. Sachant qu'au début, c'était pas exactement ça, c'était Dame C Max. C'était plus Dame C Max au djembé, quoi. Alors, ouais, au début, ça s'appelait Save the Planet et c'était un groupe de djembé. C'est audacieux, c'est bien. Et avec le punk, qu'est-ce que vous avez eu envie de raconter ? Alors, un peu tout. Nos morceaux, on est un petit peu engagés, mais pas trop, comme on dit. Donc on parle de l'obsolescence programmée un petit peu, de la télé-réalité, tout ce qu'on n'aime pas trop. Et après, on a des morceaux qui parlent des rêves, des moments de blues, vite fait, un peu de tout, quoi. Ouais, les trucs engagés, c'est plus un prétexte pour s'amuser, quoi, genre. Ouais. Donc, il faut des paroles, donc on fait des paroles, quoi, mais c'est plus pour le fun, mais après, si, on essaye de faire on a quand même 2-3 sons, vu que Damien est en étude de biologie à Paul Sabatier, il est assez écologique, et du coup, on a quelques sons, on est un peu engagé, on a des paroles, vraiment, on a quelque chose à dire, et puis il y a d'autres sons, on n'a rien à dire, et on s'en fout, on a un son qui parle d'un mec qui est devenu aveugle à cause d'une éclipse, donc c'est pas trop le... On a des sons engagés, on a des sons pas engagés, quoi. On a juste envie de jouer et de s'amuser, quoi. Et est-ce que c'est dur de s'imposer sur la scène punk quand on parle de mecs qui deviennent aveugles à cause d'une éclipse ou du punk écolo Bah non, vu que personne comprend l'anglais. Voilà. Déjà, si on était réellement engagé, on chanterait en français pour que les gens nous comprennent. Mais il se trouve que l'anglais est plus façonné pour le rock, donc on chante en anglais, sauf un morceau, hein, qui est engagé d'ailleurs. Faut savoir. Hein. Et donc voilà. Voilà. Donc pour s'imposer dans la scène punk, disons que on n'est pas des antifa et tout, donc on n'est pas les. Ceux pas qui, les ramoneurs de manière, quoi. On n'est pas ceux qui vont lancer une révolution, mais on essaie d'apporter le sourire, comme vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous sentez que vous avez quand même un héritage punk à gérer, à partager ? Ou non ? Ouais, on essaye de faire un peu, genre... en fait, on mélange un peu tous les genres de musique qu'on kiffe, donc... On dit punk, parce que punk, ça englobe un peu pas mal de trucs, quoi. Mais en vrai, genre, ça tourne aussi bien sur du ska, un peu du hip-hop. Ouais, c'est juste que punk, du punk, ça prend pas la tête, genre, ça veut dire un peu tout ce qui est rock alternatif, quoi. C'est ça, punk, en fait, c'est vraiment pour globaliser le délire. En fait, comme on a pu jouer tout à l'heure, on a un son qui est complètement reggae avec un chant très hip-hop. Notre dernier son, c'est un son très punk rock et tout, à la Green Day, et en fait il y a un passage hip-hop dedans, il y a un passage un peu ska, ça fait un peu rancide et tout. Enfin, on a vraiment chacun des influences de partout, en fait, et chacun, en fait, on mélange les trucs, en fait. Il y a pas, en fait, si on devait vraiment nous catégoriser officiellement dans un genre, on pourrait pas être catégorisé parce que chaque son est différent, mais globalement ça reste très rock, très punk, donc punk rock, quoi. Ok, vous avez complètement anticipé ma prochaine question. Ah là là, on est trop fort. Bien joué, les mecs, bien joué. Justement, la réputation du punk, on la connaît, elle est militante, elle est enragée, c'est les injustices. Un mec, une éclipse, c'est quand même assez injuste, c'est ce que vous chantez. Est-ce que le punk est nécessaire aujourd'hui, en 2018, dans la société qui est en train de se développer, dans laquelle nous, on évolue? Voilà, c'est compliqué, là. Wow. Alors... Je pense que ouais. Moi, je pense que oui. Il faut un contre-courant, et on essaie de rester, d'être ce contre-courant musical déjà, parce que ce qui passe, ce que les gens écoutent, enfin pas tous, hein, mais ce qu'on entend sur les radios mainstream, hein, comme ça j'ai utilisé le mot, c'est quand même assez pourri. On va pas se mentir, c'est vérifiable. Ouais, ça pue la merde, faut le savoir. Donc du coup, nous, on essaie quand même d'apporter de la meilleure musique, de la musique qui fait bien bouger, qui voilà. Et après, niveau de notre engagement, ben voilà, on avait déjà dit. C'est vrai, c'est toujours besoin de tous les courants musicaux, même si, bien sûr, le punk rock, quoi, ben, on reverra jamais les époques, on ne ressent jamais en 90 ou en 2000 où les mecs ils débarquaient, genre tout le monde connaissait, tout le monde écoutait son Green Day, son NoFX, ouais, ben, c'est passé. Mais ça veut pas dire que le. Oui, ben, ça c'est encore avant. Mais ouais, faut, ça veut pas dire qu'il faut laisser à la tombe. Les genres de musique qui font kiffer les gens, genre. Hein. Nous, c'est ce qu'on aime, donc c'est ce qu'on fait, hein. C'est surtout ça, hein, ouais. Disons qu'au milieu des gens qui écoutent du Niska et tout ce qui est trap et tout, bah, y a des gens qui kiffent encore le rock, le punk, le hip-hop, le vrai hip-hop bien lourd. Et il y a des gens qui kiffent encore le vrai son, en fait. Et bah, nous, en fait, on fait ça, on veut juste faire du vrai son. C'est à la rigueur notre seul engagement, en fait. C'est de faire du vrai son, et c'est tout. Et de s'amuser. Très bien. Des recommandations pour la scène punk actuelle? Ah, à Toulouse, il y a Krav Boka. Petit, je sais pas s'il passe pas dans Pepper Plant Stadium. Non, j'ai vu sur l'affiche. Il passe sur l'affiche. C'est pas du punk, mais. Il passe sur l'affiche le 7 ou le 8 avril, je crois, un truc comme ça. Ouais. Genre, c'est pas loin d'ici, je crois. C'est la salle du Cap, un truc comme ça. Ouais, ouais, donc ça, à voir, hein, c'est un peu petit Toulouse, mais qui tourne quand même pas mal. C'est un peu plus fusion, c'est stylé. Sinon, nous on est plus à la base, on est plus punk, mais on écoute quand même plus des vieux sons, quoi, des vieux punk. Mais sinon, il y a toujours des bons trucs qui se font, même des vieux groupes qui tournent encore. Bah, nous on est un peu. On va peut-être rester bloqué au collège, on est allé voir NoFX par exemple. NoFX, voilà. C'était génial, et c'est un groupe qui a eu son apogée dans les années 90, mais c'était le meilleur concert où je suis allé, quoi. Très bien, super les gars. Ben écoutez, vive le punk, hein. Merci, ouais, yes. Merci beaucoup Manon, merci Little Havana. Alors on va écouter un de vos morceaux, il s'appelle Crazy Angel. Il est presque doux, celui-ci. Ah oui, bah, c'est marrant que vous choisissiez celui-là, c'est le seul qu'on n'a pas joué parce que c'est une balade, et on l'enlève parfois de la setlist des concerts. Enfin, c'est une balade. On voilà. Peut l'écouter quand même. Avec plaisir. Autorisation accordée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Save me. Never turn with anything. how you're clever. I don't know how you're nervous. How do I know? Perhaps it's God. I don't know. Perhaps it's God. Why no? C'est le morceau Crazy Angel par Little Havana. C'est une balade, en fait, ils le jouent pas souvent ce morceau, c'est leur morceau le plus doux. Oui, et puis au-delà des ennuis, on ne peut pas vivre impunément sans être marqué par le passage du temps. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Dans Rien à voir quoique, nous sommes toujours en plateau à l'université Paul Sabatier dans le cadre du printemps étudiant. L'association UPS in Space est un club d'astronomie qui invite les curieux à se balader dans leur univers à bord de leur télescope. Adrien de l'association, Adrien Dupuis, nous a rejoint en plateau. Anthony, je te laisse la parole. Allô, oui. Allô, oui, alors je m'entends pas bien. Ouais, c'est bon. C'est bon, je suis là. Donc nous sommes avec Adrien de UPS in Space. Il y a quelques mois, le son des campus rencontrait déjà l'association avec le président, Sacha Postino. Et là donc nous sommes avec le vice-président. Bonjour. Ouais, Adrien Dupuis, bonjour. Donc UPS in Space, c'est comme tu l'as dit Anna, un club d'astronomie, donc surtout sur la diffusion des connaissances en astronomie, une pratique astronomique également, et puis des soirées partage de connaissances sur les explorations spatiales et des conférences. Tout à fait. Alors on essaye d'organiser en fait des conférences le plus régulièrement possible. Donc là, la prochaine sera à peu près dans un mois. Ce sera sur les trous noirs avec Nathalie Webb. On fera de la communication dessus. Et après, on essaie de faire régulièrement des observations du soleil. Bon, là, en ce moment, il fait pas très beau, donc c'est compliqué. Mais sinon, on va dire un jour par semaine, on fait à côté des food trucks. On se met avec notre petite lunette et on peut observer le soleil dès qu'on passe à côté. Le plus régulièrement possible. C'est ça. Et donc aujourd'hui, nous sommes sur le plateau avec le printemps étudiant. On a donc un DJ derrière nous qu'on entend peut-être un petit peu. Et puis vous avez donc votre lunette installée et vous nous proposez une observation du soleil, c'est ça? Oui, oui. Alors bon, le ciel est un peu mitigé. On a quand même on a eu pas mal de pluie jusque-là, donc on a un peu de chance. On a quelques nuages de vent. Est-ce que c'est pratique quand même? C'est possible? On arrive à voir quelque chose? Là, non. Ok. On peut pas regarder les nuages? Non, là, vraiment rien du tout. Là. D'accord. C'est-à-dire, on peut essayer dans les petites trouées pendant quelques secondes, mais alors, pas grand-chose. L'observation du soleil, exactement, qu'est-ce que c'est qu'une observation du soleil? Qu'est-ce qu'on voit? Alors, en fait, sur le soleil, c'est assez impressionnant. C'est qu'on peut voir, quand il est assez actif, des grosses taches solaires. Alors il y a un contraste en fait de luminosité et de chaleur et du coup on voit des grosses taches noires qui sortent on va dire du soleil et disons que c'est assez impressionnant parce que la Terre elle rentre largement dans cette petite tache alors que par rapport au soleil c'est tout petit et on peut aussi voir autour du soleil des espèces de petites éruptions et qui font à peu près on va dire entre 50 et 100 000 km de longueur, donc à notre échelle, on est petit. Ok. Pour avoir à peu près une échelle de connaissance sur qu'est-ce que vont apporter des observations solaires, pas votre niveau là, mais qu'est-ce que... Ben, disons que d'avoir un suivi régulier des images régulières du soleil, ça sert surtout... Au pic du midi, il y a un instrument solaire, le coronographe, donc l'IMSO, sur lequel je travaille aussi. Et en fait, il permet de faire des observations, des photos de tous les jours où c'est possible. Et on transmet les images, par exemple, à l'armée de l'air et tout, pour la météo spatiale. Donc en fait, s'il y a des grosses éruptions, il faut mettre les satellites en veille, parce que sinon, si les particules chargées arrivent sur les satellites, ça risque de griller... toute l'électronique et du coup il n'y aurait plus de satellites, ça serait assez gênant à notre époque. Alors justement, Adrien, tu parlais du Pif du Midi. Sacha nous en parlait déjà donc au mois de janvier. Vous y avez été là, vous deviez être en janvier, je crois. Oui, on y a été fin janvier et puis on y retourne c'est le 7 avril. Très bien. Voilà. Et vous y faites donc, tu nous as parlé du cornographe, c'est ça le... Oui. Très bien. Et il nous avait parlé également du télescope TBL. De quoi il s'agit? Alors, ça, en fait, c'est le plus gros télescope du Pic du Midi, donc il fait 2 mètres de diamètre. Et ça, en fait, ça, c'est un instrument qui fait de la spectropolarimétrie. Donc, en fait, il va étudier la lumière de certaines étoiles. Et après de la modélisation et tout, il va sortir de ça une cartographie de l'activité d'étoiles très lointaines, comme Bételgeuse, qui est dans Orion. Et on peut voir en suivant au fil des années, et on voit le mouvement de la surface de l'étoile. Donc c'est assez impressionnant. Okay. Voilà. Là aujourd'hui, Adrien, sur le printemps des étudiants, qui vient sur votre stand? Quelles sont les questions que les étudiants posent, ou le personnel de l'université, je sais pas. Alors ces petits filaments qui partent du soleil, comment ça se fait qu'il y a ça? Voilà. Et donc on leur explique un petit peu, on va dire simplement, comment se produisent ces phénomènes. C'est pas facile de parler simplement de ce genre de phénomène. Vous avez l'habitude? Oui, après on a l'habitude. Là vous avez beaucoup de curieux qui sont pas forcément dans le domaine et... Oui, il y a vraiment tous les horizons. Justement, enfin, votre lunette, là, c'est une lunette, hein, le terme oui, approprié, lunette. D'accord. Exactement, c'est quoi? Ça fonctionne comment? Parce que bon, j'imagine que c'est pas un grand télescope, c'est... qu'est-ce que... Alors, en fait, pour observer le soleil, il n'y a pas besoin d'avoir des gros instruments pour collecter beaucoup de lumière, vu que c'est l'objet le plus lumineux qu'on connaisse depuis la Terre. Donc en fait, il va y avoir des filtres H-alpha parce que le soleil émet beaucoup dans cette longueur d'onde parce qu'il est principalement composé d'hydrogène. Et ensuite, il y a un filtre de luminosité pour la sécurité. Voilà. Bon, d'accord. Parce que c'est très dangereux. Peut-être pour finir, si tu... alors, c'est votre première intervention sur le printemps étudiant ou vous l'aviez déjà fait? On l'avait déjà fait, oui. D'accord, oui. Ok. Et peut-être simplement revenir, tu nous as dit qu'il y avait une conférence bientôt donc de UPS in Space, et peut-être la... Alors, ça sera le mois prochain, et on attend encore c'est encore incertain, mais tu nous as donné la personne... Voilà, la ça sera Nathalie Webb sur les trous noirs. Sur les trous noirs. Ce sera où? Non, on ne sait pas non plus. Bon, eh ben, on aura des informations bientôt sur cette prochaine conférence. Merci Adrien Dupuis d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Vice-président de UPS in Space sur Paul Sabatier. Et merci beaucoup. Merci. Merci Anthony, on est toujours en plateau à l'université Paul Sabatier pour une émission spéciale du festival Le Printemps étudiant. Et on écoute un nouveau morceau de Tatrikaz, Cloud City. morceau Cloud City de Tatrikaz. Le groupe est en concert le vendredi 30 mars à la salle Le Cap à l'université Paul Sabatier dans le cadre du festival du printemps étudiant. Nous a rejoint en plateau Salomé Charlotte Camorse qui fait une expo dans la cafette juste derrière moi. Ce sont des photos sur plaque de fer brut. C'est ça ? Oui. Expliquez-nous. Bonjour et bonjour. Merci de me recevoir. Alors effectivement, ce sont des photos sur plaque de fer brut, photos que j'ai réalisées au cours d'une mission de volontariat au Costa Rica pour la protection des tortues marines. Et l'idée, c'était un petit peu de créer un effet miroir, un dialogue entre les plaques et le volontariat. Parce qu'il faut savoir que le volontariat forcément permet de sauver et de protéger l'environnement. Mais s'il n'y a pas d'action spécifique des États pour pouvoir permettre aux locaux de trouver d'autres alternatives de vie, forcément, à long terme, ce sont des actions qui auront un impact très ponctuel, mais pas viable. Et de la même façon, le fer est un métal qui s'oxyde au contact de l'oxygène. Et mes plaques ne sont que très légèrement vernies. Donc elles ont entamé un lent processus de dégénérescence. Et si elles ne sont pas conservées dans de bonnes conditions et avec beaucoup de précautions, elles seront conduites à la destruction. C'est quoi les bonnes conditions dont vous parlez ? Une atmosphère sèche, voilà, être manipulée avec des gants, préservée de l'humidité. Je vais rassurer d'éventuels acquéreurs, elles ne seront pas détruites avant une bonne centaine d'années. C'est un travail que vous avez vu quelque part et que vous avez reproduit. Comment ça s'est passé ? Pas du tout. En fait, j'ai très tôt été intéressée par la photographie, mais le principe de reproductibilité de l'œuvre photographique me gênait un petit peu. J'avais envie d'apporter quelque chose de plus personnel. C'est ce que Benjamin Walter appelle l'aura de l'œuvre, donc sa non-reproductibilité. Et en fait, je me suis intéressée aux ferrotypes, qui sont un procédé de photographie ancien sur plaque d'aluminium ou de bauxite. Mais pour réaliser des ferrotypes de la taille des plaques. Oui, ils sont grands, c'est voilà. 1 mètre sur 50. C'est ça, il y a des dimensions variables, ça va de 1 mètre sur 66 à 1 mètre sur 50. Et donc pour réaliser des plaques de cette taille-là, il faudrait une chambre photographique absolument énorme. Alors c'est un projet que j'aimerais mettre en œuvre sur le long terme, mais pour l'instant ça reste à l'état de projet. Vous êtes étudiante par ailleurs ? En art plastique. Voilà. Alors je suis une vieille étudiante hein, parce que j'ai 30 ans. Et donc à la base, j'ai un master en économie d'entreprise et j'ai démarré, on va dire, mon activité en tant qu'entrepreneur et j'ai pas du tout été épanouie dans ce milieu-là. Et j'ai décidé de reprendre des études et de reprendre ma vie là où elle aurait dû être et suivre ma passion qui est l'art et la photographie. Est-ce que vous avez un site où on peut voir votre travail ou... Oui, bien sûr. Alors c'est www.s comme Salomé, C comme Charlotte, .camorse. C-A-M-O-R-S. Tout à fait, .com. Merci beaucoup Salomé Charlotte Camorse d'être venue nous parler de votre travail. Ben, je vous remercie. Rien à voir, quoique. www.campusfm.fr. Notre émission spéciale autour du printemps étudiant s'achève. Un grand merci à Fabrice Moll qui est avec nous pour nous rappeler les dates, les adresses internet, les réseaux sociaux, les tarifs. Fabrice Moll. Donc du coup, le printemps étudiant, c'est du 28 mars au 7 avril. On est encore donc demain et vendredi à Paul Sabatier. Ça continue ensuite au Capitole et ça finit les 6 et 7 de nouveau à Paul Sabatier à la salle Le Cap pour deux concerts de clôture. N'hésitez pas à venir nous voir, toutes les informations sur notre site internet www.leprintempsétudiant.com. Sur Facebook, on est très actifs, donc Le Printemps Étudiant ou la JT Asso, puisqu'on a une page Facebook aussi pour l'association. Et voilà, merci à vous. C'est qui le DJ qui joue derrière nous? Alors là, actuellement, c'est Zach. C'est un DJ de l'association Wawa UPS, qui est donc une association de musique de l'université Paul Sabatier. Et donc lui, on l'a rencontré justement pendant les 20 ans du Cap, tout comme les fameuses troupes de théâtre dont on parlait tout à l'heure. Merci beaucoup Fabrice Moll. Je remercie Manon, je remercie Anthony, je remercie François à la réalisation technique et à la préparation de ce plateau en extérieur sous le soleil. Chers auditeurs, vous pourrez retrouver le replay de cette émission sur le Mixcloud de Campus FM ou sur la page Facebook de l'émission Rien à voir quoique. Restez branchés sur les ondes de Campus FM.